Chaque ligne de branche est un prétexte à aventurer un membre. Tel bouger le bras dans la distance d'une branche, serrer le crâne dans la fourche d'une autre. Branche. Pincer les phalanges du doigt, du petit doigt, dans une écorce. Palper une terre fraîche. Les textures sont autant de vie dans la mort que le son d'écrasement et de percussion sur les bois. Je suis du doigt la tige d'une rose et je permets les pointes de rentrer dans la peau et je l'entends extrêmement agiter autour de mon corps, craquant toute l'air qui virgule sous mes pas. Le bois mort est l'habitat d'une vie fraîche et patiente, d'une fraîcheur qui fermente la micro-vie. Son agilité est chaleureuse mais trop brusque pour me permettre de mettre une distance entre les matières que je touche, qui me touchent et l'activité plus lointaine dans le bois. Dans le champ, se prend au jeu une main qui ne sont pas du paysage. Que ce soit une main ou un homme ou un détail imperceptible, il est présent dans le coin de l'œil, flou et vivant, mais inerte. Une relation présente et tout à la fois mise à l'écart. Une tache dans la ligne de mer. Une tache dans la ligne de mire, comme la cible de laquelle je recule, je me retire et la tache devient une cible indistincte, mais elle m'attache dans la pente que je monte en reculant. J'adhère au plan pentu. J'arrange mes pas et mon équilibre entre ligne de fuite et l'étranger qui emprunte mon dos. Dénicher le détail microscopique d'une feuille morte et jouer avec la force d'attraction que je mène à elle dans la course ou dans un changement de course. Où me pendre? À l'étage d'une fleur parfaite, où me pendre? Où me pendre? Je pendre dans une parallèle horizontale. Où me pendre?